Livre 7, quatrième partie. Voilà mes deux histoires. Les 18 mois que j'ai passés à Venise ne m'ont fourni de plus à dire qu'un simple projet tout au plus. Cario était galant. Ennuyé de n'aller toujours que chez des filles engagées à d'autres, il eut la fantaisie d'en avoir une à son tour. Et comme nous étions inséparables, il me proposa l'arrangement, peu rare à Venise, d'en avoir une à nous deux. J'y consentis. Il s'agissait de la trouver sûre. Il chercha tant qu'il déterra une petite fille de 11 à 12 ans que son indigne mère cherchait à vendre. Nous fûmes la voir ensemble. Mes entrailles s'émurent en voyant cet enfant. Elle était blonde et douce comme un agneau. On ne l'aurait jamais crue italienne. On vit pour très peu de choses à Venise. Nous donnâmes quelque argent à la mère et pourvûmes à l'entretien de la fille. Elle avait de la voix. Pour lui procurer un talent de ressource, nous lui donnâmes une épinette et un maître à chanter. Tout cela nous coûtait à peine à chacun 2 sequins par mois et nous en épargnait davantage en autres dépenses. Mais comme il fallait attendre qu'elle fût mûre, c'était semer beaucoup avant que de recueillir. Cependant, content d'aller là passer les soirées, causer et jouer très innocemment avec cet enfant, nous nous amusions plus agréablement peut-être que si nous l'avions possédé, tant il est vrai que ce qui nous attache le plus aux femmes est moins la débauche qu'un certain agrément de vivre auprès d'elles. Insensiblement, mon cœur s'attachait à la petite Anzoletta, mais d'un attachement paternel auquel les sens avaient si peu de part qu'à mesure qu'il augmentait, il m'aurait été moins possible de les y faire entrer. Et je sentais que j'aurais eu horreur d'approcher cette fille devenue nubile comme d'un inceste abominable. Je voyais les sentiments du bon Cario prendre à son insu le même tour. Nous nous ménagions, sans y penser, des plaisirs non moins doux, mais bien différents de ceux dont nous avions d'abord eu l'idée. Et je suis certain que, quelque belle que pût devenir cette pauvre enfant, loin d'être jamais les corrupteurs de son innocence, nous en aurions été les protecteurs. Ma catastrophe, arrivée peu de temps après, ne me laissa pas celui d'avoir part à cette bonne œuvre, et je n'ai à me louer dans cette affaire que du penchant de mon cœur. Revenons à mon voyage. Mon premier projet, en sortant de chez M. de Montaigu, était de me retirer à Genève, en attendant qu'un meilleur sort, écartant les obstacles, pût me réunir à ma pauvre maman. Mais l'éclat qu'avait fait notre querelle et la sottise qu'il fit d'en écrire à la cour me fit prendre le parti d'aller moi-même y rendre compte de ma conduite et me plaindre de celle d'un forcené. Je marquai de Venise ma résolution à M. Dutheil, chargé par intérim des affaires étrangères après la mort de M. Amelot. Je partis aussitôt que ma lettre. Je pris ma route par Bergame, Com et Domodossola. Je traversai le Simplon. À Sion, M. de Chénion, chargé des affaires de France, me fit 1000 amitiés. À Genève, M. de la Closure m'en fit autant. J'y renouvelai connaissance avec M. de Gaufcourt, dont j'avais quelque argent à recevoir. J'avais traversé Nyon sans voir mon père. Non qu'il ne m'en coûtât extrêmement, mais je n'avais pu me résoudre à me montrer à ma belle-mère après mon désastre, certain qu'elle me jugerait sans vouloir m'écouter. Le libraire du Villard, ancien ami de mon père, me reprocha vivement ce tort. Je lui en dis la cause, et pour le réparer sans m'exposer à voir ma belle-mère, je pris une chaise et nous fûmes ensemble à Nyon descendre au cabaret. Duvillard s'en fut chercher mon pauvre père, qui vint tout courant m'embrasser. Nous soupâmes ensemble, et après avoir passé une soirée bien douce à mon cœur, je retournai le lendemain matin à Genève avec Duvillard, pour qui j'ai toujours conservé de la reconnaissance du bien qu'il me fit en cette occasion. Mon plus court chemin n'était pas par Lyon, mais j'y voulus passer pour vérifier une friponnerie bien basse de M. de Montaigu. J'avais fait venir de Paris une petite caisse contenant une veste brodée en or, quelques paires de manchettes et 6 paires de bas de soie blanc. Rien de plus. Sur la proposition qu'il m'en fit lui-même, je fis ajouter cette caisse, ou plutôt cette boîte, à son bagage. Dans le mémoire d'apothicaire qu'il voulut me donner en paiement de mes appointements et qu'il avait écrit de sa main, il avait mis que cette boîte, qu'il appelait « ballot », pesait 11 quintaux, et il m'en avait passé le port à un prix énorme. Par les soins de M. Bois de la Tour, auquel j'étais recommandé par M. Roguin, son oncle, il fut vérifié, sur les registres des douanes de Lyon et de Marseille, que le dit ballot ne pesait que 45 livres, et n'avait payé le port qu'à raison de ce poids. Je joignis cet extrait authentique aux mémoires de M. de Montaigu, et, muni de ces pièces et de plusieurs autres de la même force, je me rendis à Paris, très impatient d'en faire usage. J'eus, durant toute cette longue route, de petites aventures à Côme, en Valais et ailleurs. Je vis plusieurs choses, entre autres les îles Borromée, qui mériteraient d'être décrites. Mais le temps me gagne, les espions m'obsèdent. Je suis forcé de faire à la hâte et mal un travail qui demanderait le loisir et la tranquillité qui me manquent. Si jamais la Providence, jetant les yeux sur moi, me procure enfin des jours plus calmes, je les destine à refondre, si je puis, cet ouvrage, ou à y faire, du moins, un supplément dont je sens qu'il a grand besoin. Le bruit de mon histoire m'avait devancé, et en arrivant, je trouvais que dans les bureaux et dans le public, tout le monde était scandalisé des folies de l'ambassadeur. Malgré cela, malgré le cri public dans Venise, malgré les preuves sans réplique que j'exhibais, je ne pus obtenir aucune justice. Loin d'avoir ni satisfaction ni réparation, je fus même laissé à la discrétion de l'ambassadeur pour mes appointements. Et cela, par l'unique raison que, n'étant pas français, je n'avais pas droit à la protection nationale, et que c'était une affaire particulière entre lui et moi. Tout le monde convint avec moi que j'étais offensé, lésé, malheureux, que l'ambassadeur était un extravagant, cruel, inique, et que toute cette affaire le déshonorait à jamais. Mais quoi, il était l'ambassadeur, je n'étais, moi, que le secrétaire. Le bon ordre, ou ce qu'on appelle ainsi, voulait que je n'obtinsse aucune justice, et je n'en obtins aucune. Je m'imaginais qu'à force de crier et de traiter publiquement ce fou comme il le méritait, on me dirait à la fin de me taire. Et c'était ce que j'attendais, bien résolu de n'obéir qu'après qu'on aurait prononcé. Mais il n'y avait point alors de ministre des Affaires étrangères. On me laissa clabauder, on m'encouragea même, on faisait chorus. Mais l'affaire en resta toujours là, jusqu'à ce que, là d'avoir toujours raison et jamais justice, je perdis enfin courage et plantai là tout. La seule personne qui me reçut mal et dont j'aurais le moins attendu cette injustice fut Madame de Besenval. Toute pleine des prérogatives du rang et de la noblesse, elle ne put jamais se mettre dans la tête qu'un ambassadeur pût avoir tort avec son secrétaire. L'accueil qu'elle me fit fut conforme à ce préjugé. J'en fus si piqué qu'en sortant de chez elle, je lui écrivis une des fortes et vives lettres que j'ai peut-être écrites, et n'y suis jamais retournée. Le père Castel me reçut mieux, mais à travers le patelinage jésuitique, je le vis suivre assez fidèlement une des grandes maximes de la société, qui est d'immoler toujours le plus faible au plus puissant. Le vif sentiment de la justice de ma cause et ma fierté naturelle ne me laissèrent pas endurer patiemment cette partialité. Je cessai de voir le père Castel et par là d'aller aux jésuites, où je ne connaissais que lui seul. D'ailleurs, l'esprit tyrannique et intrigant de ses confrères, si différent de la bonhomie du bon père aimé, me donnait tant d'éloignement pour leur commerce que je n'en ai vu aucun depuis ce temps-là, si ce n'est le père Berthier, que je vis deux ou trois fois chez M. Dupin, avec lequel il travaillait de toute sa force à la réfutation de Montesquieu. Achevons, pour n'y plus revenir, ce qui me reste à dire de M. de Montaigu. Je lui avais dit, dans nos démêlés, qu'il ne lui fallait pas un secrétaire, mais un clerc de procureur. Il suivit cet avis et me donna réellement pour successeur un vrai procureur, qui, dans moins d'un an, lui vola 20 ou 30 000 livres. Il le chassa, le fit mettre en prison, chassa ses gentilshommes avec esclandre et scandale, se fit partout des querelles, reçut des affronts qu'un valet n'endurerait pas, et finit, à force de folie, par se faire rappeler et renvoyer planter ses choux. Apparemment que, parmi les réprimandes qu'il reçut à la cour, son affaire avec moi ne fut pas oubliée. Du moins, peu de temps après son retour, il m'envoya son maître d'hôtel pour solder mon compte et me donner de l'argent. J'en manquais dans ce moment-là. Mes dettes de Venise, dettes d'honneur si jamais il en fut, me pesaient sur le cœur. Je saisis le moyen qui se présentait de les acquitter, de même que le billet de Zanetto Nani. Je reçus ce qu'on voulut me donner, je payai toutes mes dettes, et je restai sans un sou, comme auparavant, mais soulagé d'un poids qui m'était insupportable. Dès lors, je n'ai plus entendu parler de M. de Montaigu qu'à sa mort, que j'appris par la voix publique. Que Dieu fasse paix à ce pauvre homme! Il était aussi propre au métier d'ambassadeur que je l'avais été dans mon enfance à celui de Grapignan. Cependant, il n'avait tenu qu'à lui de se soutenir honorablement par mes services et de me faire avancer rapidement dans l'état auquel le comte de Gouvon m'avait destiné dans ma jeunesse, et dont par moi seul je m'étais rendu capable dans un âge plus avancé. La justice et l'inutilité de mes plaintes me laissèrent dans l'âme un germe d'indignation contre nos sottes institutions civiles, où le vrai bien public et la véritable justice sont toujours sacrifiés à je ne sais quel ordre apparent, destructeur, en effet de tout ordre, et qui ne fait qu'ajouter la sanction de l'autorité publique à l'oppression du faible et à l'iniquité du fort. Deux choses empêchèrent ce germe de se développer, pour lors, comme il a fait dans la suite. L'une, qu'il s'agissait de moi dans cette affaire, est que l'intérêt privé, qui n'a jamais rien produit de grand et de noble, ne saurait tirer de mon cœur les divins élans qu'il n'appartient qu'au plus pur amour du juste et du beau d'y produire. L'autre fut le charme de l'amitié, qui tempérait et calmait ma colère par l'ascendant d'un sentiment plus doux. J'avais fait connaissance à Venise avec un biscayen, ami de mon ami Cario, et digne de l'être de tout homme de bien. Cet aimable jeune homme, né pour tous les talents et pour toutes les vertus, venait de faire le tour de l'Italie pour prendre le goût des beaux-arts, et n'imaginant rien de plus à acquérir, il voulait s'en retourner en droiture dans sa patrie. Je lui dis que les arts n'étaient que le délassement d'un génie comme le sien, fait pour cultiver les sciences, et je lui conseillais, pour en prendre le goût, un voyage et 6 mois de séjour à Paris. Il me crut, et ce fut à Paris. Il y était et m'attendait quand j'y arrivais. Son logement était trop grand pour lui, il m'en offrit la moitié, je l'acceptai. Je le trouvai dans la ferveur des hautes connaissances. Rien n'était au-dessus de sa portée. Il dévorait et digérait tout avec une prodigieuse rapidité. Comme il me remercia d'avoir procuré cet aliment à son esprit, que le besoin de savoir tourmentait sans qu'il s'en doute à lui-même. Quel trésor de lumières et de vertus je trouvais dans cette âme forte. Je sentis que c'était l'ami qu'il me fallait. Nous devînmes intimes. Nos goûts n'étaient pas les mêmes, nous disputions toujours. Tous deux opiniâtres, nous n'étions jamais d'accord sur rien. Avec cela, nous ne pouvions nous quitter. Et tout en nous contrariant sans cesse, aucun des deux n'eût voulu que l'autre fût autrement. Ignacio Emmanuel de Altuna était un de ces hommes rares que l'Espagne seule produit et dont elle produit trop peu pour sa gloire. Il n'avait pas ces violentes passions nationales communes dans son pays. L'idée de la vengeance ne pouvait pas plus entrer dans son esprit que le désir dans son cœur. Il était trop fier pour être vindicatif, et je lui ai souvent ouï dire, avec beaucoup de sang-froid, qu'un mortel ne pouvait pas offenser son âme. Il était galant sans être tendre, il jouait avec les femmes comme avec de jolis enfants. Il se plaisait avec les maîtresses de ses amis, mais je ne lui en ai jamais vu aucune, ni aucun désir d'en avoir. Les flammes de la vertu dont son cœur était dévoré ne permirent jamais à celle de ses sens de naître. Après ses voyages, il s'est marié. Il est mort jeune, il a laissé des enfants, et je suis persuadée, comme de mon existence, que sa femme est la première et la seule qui lui ait fait connaître les plaisirs de l'amour. À l'extérieur, il était dévot comme un Espagnol, mais en dedans, c'était la piété d'un ange. Or, moi, je n'ai vu que lui seul de tolérant depuis que j'existe. Il ne s'est jamais informé d'aucun homme comment il pensait en matière de religion. Que son ami fût juif, protestant, turc, bigot, athée, peu lui importait, pourvu qu'il fût honnête homme. Obstiné, têtu pour des opinions indifférentes, dès qu'il s'agissait de religion, même de morale, il se recueillait, se taisait, ou disait simplement « Je ne suis chargé que de moi ». Il est incroyable qu'on puisse associer autant d'élévation d'âme avec un esprit de détail porté jusqu'à la minutie. Il partageait et fixait d'avance l'emploi de sa journée par heure, quart d'heure et minute, et suivait cette distribution avec un tel scrupule que, si l'heure eût sonné tandis qu'il lisait sa phrase, il eût fermé le livre sans achever. De toutes ces mesures de temps ainsi rompues, il y en avait pour telle étude, il y en avait pour telle autre. Il y en avait pour la réflexion, pour la conversation, pour l'office, pour l'oc, pour le rosaire, pour les visites, pour la musique, pour la peinture. Et il n'y avait ni plaisir, ni tentation, ni complaisance qui pût intervertir cet ordre. Un devoir à remplir seul l'aurait pu. Quand il me faisait la liste de ses distributions afin que je m'y conformasse, je commençais par rire, et je finissais par pleurer d'admiration. Jamais il ne gênait personne, ni ne supportait la gêne. Il brusquait les gens qui, par politesse, voulaient le gêner. Il était emporté sans être boudeur. Je l'ai vu souvent en colère, mais je ne l'ai jamais vu fâché. Rien n'était si gai que son humeur. Il entendait la raillerie et il aimait à railler. Il y brillait même. Et il avait le talent de l'épigramme. Quand on l'animait, il était bruyant et tapageur en paroles. Sa voix s'entendait de loin. Mais tandis qu'il criait, on le voyait sourire, et tout à travers ses emportements, il lui venait quelques mots plaisants qui faisaient éclater tout le monde. Il n'avait pas plus le teint espagnol que le flegme. Il avait la peau blanche, les joues colorées, les cheveux d'un châtain presque blond. Il était grand et bien fait. Son corps fut formé pour loger son âme. Ce sage de cœur ainsi que de tête se connaissait en homme et fut mon ami. C'est toute ma réponse, à quiconque ne l'est pas. Nous nous liâmes si bien que nous fîmes le projet de passer nos jours ensemble. Je devais, dans quelques années, aller à Asiotia pour vivre avec lui dans sa terre. Toutes les parties de ce projet furent arrangées entre nous la veille de son départ. Il n'y manqua que ce qui ne dépend pas des hommes dans les projets les mieux concertés. Les événements postérieurs, mes désastres, son mariage, sa mort enfin, nous ont séparés pour toujours. On dirait qu'il n'y a que les noirs complots des méchants qui réussissent. Les projets innocents des bons n'ont presque jamais d'accomplissement. Ayant senti l'inconvénient de la dépendance, je me promis bien de ne m'y plus exposer. Ayant vu renverser dès leur naissance les projets d'ambition que l'occasion m'avait fait former, rebuté de rentrer dans la carrière que j'avais si bien commencée et dont néanmoins je venais d'être expulsé, je résolus de ne plus m'attacher à personne, mais de rester dans l'indépendance en tirant parti de mes talents, dont enfin je commençais à sentir la mesure et dont j'avais trop modestement pensé jusqu'alors. Je repris le travail de mon opéra que j'avais interrompu pour aller à Venise. Et pour m'y livrer plus tranquillement, après le départ d'Altoona, je retournai loger à mon ancien hôtel Saint-Quentin, qui, dans un quartier solitaire et peu loin du Luxembourg, m'était plus commode pour travailler à mon aise que la bruyante rue Saint-Honoré. Là m'attendait la seule consolation réelle que le ciel m'ait fait goûter dans ma misère et qui seule me la rend supportable. Ceci n'est pas une connaissance passagère. Je dois entrer dans quelques détails sur la manière dont elle se fit. Nous avions une nouvelle hôtesse qui était d'Orléans. Elle prit pour travailler en linge une fille de son pays d'environ 22 à 23 ans qui mangeait avec nous ainsi que l'hôtesse. Cette fille, appelée Thérèse Levasseur, était de bonne famille. Son père était officier de la monnaie d'Orléans, sa mère était marchande. Ils avaient beaucoup d'enfants. La monnaie d'Orléans n'allant plus, le père se trouva sur le pavé. La mère, ayant essuyé des banqueroutes, fit mal ses affaires, quitta le commerce et vint à Paris avec son mari et sa fille, qui les nourrissaient tous trois de son travail. La première fois que je vis paraître cette fille à table, je fus frappé de son maintien modeste, et plus encore de son regard vif et doux, qui pour moi n'eut jamais son semblable. La table était composée, outre Monsieur de Bonnefond, de plusieurs abbés irlandais, gascons et autres gens de pareille étoffe. Notre hôtesse elle-même avait rôti le balai. Il n'y avait là que moi seul qui parla et se comporta décemment. On agaça la petite. Je pris sa défense. Aussitôt, les lardons tombèrent sur moi. Quand je n'aurais eu naturellement aucun goût pour cette pauvre fille, la compassion, la contradiction m'en aurait donné. J'ai toujours aimé l'honnêteté dans les manières et dans les propos, surtout avec le sexe. Je devins hautement son champion. Je la vis sensible à mes soins, et ses regards, animés par la reconnaissance qu'elle n'osait exprimer de bouche, n'en devenaient que plus pénétrants. Elle était très simple, je l'étais aussi. La liaison, que cette disposition commune semblait éloigner, ce fut pourtant très rapidement. L'hôtesse, qui s'en aperçut, devint furieuse, et ses brutalités avancèrent encore mes affaires auprès de la petite, qui, n'ayant que moi seule d'appui dans la maison, me voyait sortir avec peine et soupirait après le retour de son protecteur. Le rapport de nos cœurs, le concours de nos dispositions, eut bientôt son effet ordinaire. Elle crut voir en moi un honnête homme. Elle ne se trompa pas. Je crus voir en elle une fille sensible, simple et sans coquetterie. Je ne me trompais pas non plus. Je lui déclarai d'avance que je ne l'abandonnerais ni ne l'épouserais jamais. L'amour, l'estime, la sincérité naïve furent les ministres de mon triomphe. Et c'était parce que son cœur était tendre et honnête que je fus heureux sans être entreprenant. La crainte qu'elle eut que je ne me fâchasse de ne pas trouver en elle ce qu'elle croyait que j'y cherchais, recula mon bonheur plus que toute autre chose. Je la vis, interdite et confuse avant de se rendre, vouloir se faire entendre et n'oser s'expliquer. Loin d'imaginer la véritable cause de son embarras, j'en imaginais une bien fausse et bien insultante pour ses mœurs. Et croyant qu'elle m'avertissait que ma santé courait des risques, je tombai dans des perplexités qui ne me retinrent pas, mais qui, durant plusieurs jours, empoisonnèrent mon bonheur. Comme nous ne nous entendions pas l'un l'autre, nos entretiens à ce sujet étaient autant d'énigmes et d'en figouries plus que risibles. Elle fut prête à me croire absolument fou. Je fus prêt à ne savoir plus que penser d'elle. Enfin, nous nous expliquâmes. Elle me fit en pleurant l'aveu d'une faute unique au sortir de l'enfance, fruit de son ignorance et de l'adresse d'un séducteur. Sitôt que je la compris, je fis un cri de joie. « Pucelage ! » m'écriai-je. « C'est bien à Paris, c'est bien à 20 ans qu'on en cherche. Ah, ma Thérèse, je suis trop heureux de te posséder sage et saine et de ne pas trouver ce que je ne cherchais pas. » Je n'avais cherché d'abord qu'à me donner un amusement. Je vis que j'avais plus fait et que je m'étais donné une compagne. Un peu d'habitude avec cette excellente fille, un peu de réflexion sur ma situation, me firent sentir qu'en ne songeant qu'à mes plaisirs, j'avais beaucoup fait pour mon bonheur. Il me fallait, à la place de l'ambition éteinte, un sentiment vif qui remplit mon cœur. Il fallait, pour tout dire, un successeur à maman. Puisque je ne devais plus vivre avec elle, il me fallait quelqu'un qui vécut avec son élève et en qui je trouvasse la simplicité, la docilité de cœur qu'elle avait trouvée en moi. Il fallait que la douceur de la vie privée et domestique me dédommageât du sort brillant auquel je renonçais. Quand j'étais absolument seule, mon cœur était vide, mais il n'en fallait qu'un pour le remplir. Le sort m'avait ôté, m'avait aliéné, du moins en partie, celui pour lequel la nature m'avait fait. Dès lors, j'étais seule, car il n'y eut jamais pour moi d'intermédiaire entre tout et rien. Je trouvai dans Thérèse le supplément dont j'avais besoin. Par elle, je vécus heureux, autant que je pouvais l'être, selon le cours des événements. Je voulus d'abord former son esprit. J'y perdis ma peine. Son esprit est ce que l'a fait la nature. La culture et les soins n'y prennent pas. Je ne rougis pas d'avouer qu'elle n'a jamais bien su lire, quoique elle écrive passablement. Quand j'allais loger dans la rue neuve des Petits Champs, j'avais à l'hôtel de Pontchartrain, vis-à-vis mes fenêtres, un cadran sur lequel je m'efforçais durant plus d'un mois à lui faire connaître les heures. À peine les connaît-elle encore à présent. Elle n'a jamais pu suivre l'ordre des 12 mois de l'année et ne connaît pas un seul chiffre, malgré tous les soins que j'ai pris pour les lui montrer. Elle ne sait ni compter l'argent, ni le prix d'aucune chose. Le mot qui lui vient en parlant est souvent l'opposé de celui qu'elle veut dire. Autrefois, j'avais fait un dictionnaire de ces phrases pour amuser Madame de Luxembourg, et ces quiproquos sont devenus célèbres dans les sociétés où j'ai vécu. Mais cette personne si bornée, et si l'on veut, si stupide, est d'un conseil excellent dans les occasions difficiles. Souvent, en Suisse, en Angleterre, en France, dans les catastrophes où je me trouvais, elle a vu ce que je ne voyais pas moi-même. Elle m'a donné les avis les meilleurs à suivre. Elle m'a tiré des dangers où je me précipitais aveuglément. Et devant les dames du plus haut rang, devant les grands et les princes, ses sentiments, son bon sens, ses réponses et sa conduite lui ont attiré l'estime universelle. Et à moi, sur son mérite, des compliments dont je sentais la sincérité. Auprès des personnes qu'on aime, le sentiment nourrit l'esprit ainsi que le cœur, et l'on a peu besoin de chercher ailleurs des idées. Je vivais avec ma Thérèse aussi agréablement qu'avec le plus beau génie de l'univers. Sa mère, fière d'avoir été jadis élevée auprès de la marquise de Montpipeau, faisait le bel esprit, voulait diriger le sien, et gâtait par son astuce la simplicité de notre commerce. L'ennui de cette importunité me fit un peu surmonter la sotte honte de n'oser me montrer avec Thérèse en public. et nous faisions tête à tête de petites promenades champêtres et de petits goûters qui m'étaient délicieux. Je voyais qu'elle m'aimait sincèrement, et cela redoublait ma tendresse. Cette douce intimité me tenait lieu de tout. L'avenir ne me touchait plus, ou ne me touchait que comme le présent prolongé. Je ne désirais rien que d'en assurer la durée. Cet attachement me rendit toute autre dissipation superflue et insipide. Je ne sortais plus que pour aller chez Thérèse. Sa demeure devint presque la mienne. Cette vie retirée devint si avantageuse à mon travail qu'en moins de 3 mois, mon opéra tout entier fut fait, paroles et musique. Il restait seulement quelques accompagnements et remplissages à faire. Ce travail de manœuvre m'ennuyait fort. Je proposai à Philidore de s'en charger en lui donnant part aux bénéfices. Il vint 2 fois et fit quelques remplissages dans l'acte d'Ovide. Mais il ne put se captiver à ce travail assidu pour un profit éloigné et même incertain. Il ne revint plus et j'achevai ma besogne moi-même. Mon opéra fait, il s'agit d'en tirer parti. C'était un autre opéra, bien plus difficile. On ne vient à bout de rien à Paris quand on y vit isolé. Je pensais à me faire jour par Monsieur de la Poplinière, chez qui Gauffecourt, de retour de Genève, m'avait introduit. Monsieur de la Poplinière était le mécène de Rameau. Madame de la Poplinière était sa très humble écolière. Rameau faisait, comme on dit, la pluie et le beau temps dans cette maison. Jugeant qu'il protégerait avec plaisir l'ouvrage d'un de ses disciples, je voulus lui montrer le mien. Il refusa de le voir, disant qu'il ne pouvait lire des partitions et que cela le fatiguait trop. La Poplinière dit là-dessus qu'on pouvait le lui faire entendre et m'offrit de rassembler des musiciens pour en exécuter des morceaux. Je ne demandai pas mieux. Rameau consentit en grommelant et répétant sans cesse que ce devait être une belle chose que la composition d'un homme qui n'était pas enfant de la balle et qui avait appris la musique tout seul. Je me hâtai de tirer en partie 5 ou 6 morceaux choisis. On me donna 10 de symphonistes et pour chanteurs, Albert, Bérard et Mademoiselle Bourbonnais. Rameau commença dès l'ouverture à faire entendre, par ses éloges outrés, qu'elle ne pouvait être de moi. Il ne laissa passer aucun morceau sans donner des signes d'impatience. Mais à un air de haute contre, dont le chant était mâle et sonore, et l'accompagnement très brillant, il ne put se contenir. Il m'apostropha avec une brutalité qui scandalisa tout le monde, soutenant qu'une partie de ce qu'il venait d'entendre était d'un homme consommé dans l'art, et le reste d'un ignorant qui ne savait pas même la musique. Et il est vrai que mon travail, inégal et sans règle, était tantôt sublime et tantôt très plat, comme doit être celui de quiconque ne s'élève que par quelques élans de génie, et que la science ne soutient point. Rameau prétendit ne voir en moi qu'un petit pillard sans talent et sans goût. Les assistants, et surtout le maître de la maison, ne pensèrent pas de même. Monsieur de Richelieu, qui dans ce temps-là voyait beaucoup monsieur, et comme on sait, madame de la Poplinière, ouït parler de mon ouvrage et voulut l'entendre en entier, avec le projet de le faire donner à la cour s'il en était content. Il fut exécuté à grand cœur et à grand orchestre, aux frais du roi, chez monsieur Bonneval, intendant des Munich. Francœur dirigeait l'exécution. L'effet en fut surprenant. Monsieur le duc ne cessait de s'écrier et d'applaudir, et à la fin d'un chœur, dans l'acte du Tasse, il se leva, vint à moi et, me serrant la main, « Monsieur Rousseau, me dit-il, voilà de l'harmonie qui transporte. Je n'ai jamais rien entendu de plus beau. Je veux faire donner cet ouvrage à Versailles. » Madame de la Poplinière, qui était là, ne dit pas un mot. Rameau, quoique invité, n'y avait pas voulu venir. Le lendemain, Madame de la Poplinière me fit à sa toilette un accueil fort dur, affecta de me rabaisser ma pièce, et me dit que, quoiqu'un peu de clinquant eût d'abord ébloui M. de Richelieu, il en était bien revenu, et qu'elle ne me conseillait pas de compter sur mon opéra. M. le duc arriva peu après, et me tint un tout autre langage, me dit des choses flatteuses sur mes talents, et me parut toujours disposé à faire donner ma pièce devant le roi. « Il n'y a, dit-il, que l'acte du Tasse qui ne peut passer à la cour. Il en faut faire un autre. » Sur ce seul mot, j'allais m'enfermer chez moi. Et dans 3 semaines, j'eus fait, à la place du Tasse, un autre acte, dont le sujet était Hésiode, inspiré par une muse. Je trouvais le secret de faire passer dans cet acte une partie de l'histoire de mes talents et de la jalousie dont Rameau voulait bien les honorer. Il y avait dans ce nouvel acte une élévation moins gigantesque et mieux soutenue que celle du Tasse. La musique en était aussi noble et beaucoup mieux faite. Et si les 2 autres actes avaient valu celui-là, la pièce entière eût avantageusement soutenu la représentation. Mais, tandis que j'achevais de la mettre en état, une autre entreprise suspendit l'exécution de celle-là. L'hiver, qui suivit la bataille de Fontenoy, il y eut beaucoup de fêtes à Versailles, entre autres plusieurs opéras au théâtre des Petites Écuries. De ce nombre fut le drame de Voltaire, intitulé « La princesse de Navarre », dont Rameau avait fait la musique et qui venait d'être changé et réformé sous le nom des « Fêtes de Ramire ». Ce nouveau sujet demandait plusieurs changements au divertissement de l'ancien, tant dans les vers que dans la musique. Il s'agissait de trouver quelqu'un qui pût remplir ce double objet. Voltaire, alors en Lorraine, et Rameau, tous 2 occupés pour lors à l'opéra du Temple de la Gloire, ne pouvant donner des soins à celui-là, Monsieur de Richelieu pensa à moi, me fit proposer de m'en charger, et pour que je pusse examiner mieux ce qu'il y avait à faire, il m'envoya séparément le poème et la musique. Avant toute chose, je ne voulus toucher aux paroles que de l'aveu de l'auteur, et je lui écrivis à ce sujet une lettre très honnête et même respectueuse, comme il convenait. Voici sa réponse, dont l'original est dans la liasse A, numéro 1. 15 décembre 1745. Vous réunissez, monsieur, 2 talents qui ont toujours été séparés jusqu'à présent. Voilà déjà 2 bonnes raisons pour moi de vous estimer et de chercher à vous aimer. Je suis fâché pour vous que vous employiez ces 2 talents à un ouvrage qui n'en est pas trop digne. Il y a 2 mois que Monsieur le duc de Richelieu m'ordonna absolument de faire en un clin d'œil une petite et mauvaise esquisse de 2 scènes insipides et tronquées qui devaient s'ajuster à des divertissements qui ne sont point faits pour elle. J'obéis avec la plus grande exactitude. Je fis très vite et très mal. J'envoyai ce misérable croquis à Monsieur le duc de Richelieu, comptant qu'il ne servirait pas ou que je le corrigerais. Heureusement, il est entre vos mains. Vous en êtes le maître absolu. J'ai perdu entièrement tout cela de vue. Je ne doute pas que vous n'ayez rectifié toutes les fautes échappées nécessairement dans une composition si rapide d'une simple esquisse, que vous n'ayez suppléé à tout. Je me souviens qu'entre autres balourdises, il n'est pas dit, dans ces scènes qui lient les divertissements, comment la princesse Grenadine passe tout d'un coup d'une prison dans un jardin ou dans un palais. Comme ce n'est point un magicien qui lui donne des fêtes, mais un seigneur espagnol, il me semble que rien ne doit se faire par enchantement. Je vous prie, monsieur, de vouloir bien revoir cet endroit dont je n'ai qu'une idée confuse. Voyez s'il est nécessaire que la prison s'ouvre et qu'on fasse passer notre princesse de cette prison dans un beau palais doré et verni préparé pour elle. Je sais très bien que tout cela est fort misérable et qu'il est au-dessous d'un être pensant de faire une affaire sérieuse de ces bagatelles. Mais enfin, puisqu'il s'agit de déplaire le moins qu'on pourra, il faut mettre le plus de raison qu'on peut, même dans un mauvais divertissement d'opéra. Je me rapporte de tout à vous et à M. Ballot, et je compte avoir bientôt l'honneur de vous faire mes remerciements et de vous assurer, monsieur, à quel point j'ai celui d'être, etc. » Qu'on ne soit pas surpris de la grande politesse de cette lettre, comparée aux autres lettres demi-cavalières qu'il m'a écrites depuis ce temps-là. Il me crut en grande faveur auprès de monsieur de Richelieu, et la souplesse courtisane qu'on lui connaît l'obligeait à beaucoup d'égards pour un nouveau venu, jusqu'à ce qu'il connût mieux la mesure de son crédit. Autorisé par monsieur de Voltaire et dispensé de tous égards pour Rameau, qui ne cherchait qu'à me nuire, je me mis au travail, et en 2 mois ma besogne fut faite. Elle se borna, quant au vers, à très peu de choses. Je tâchai seulement qu'on n'y sentît pas la différence des styles, et j'eus la présomption de croire avoir réussi. Mon travail en musique fut plus long et plus pénible. Outre que j'eus à faire plusieurs morceaux d'appareil, et entre autres l'ouverture, tout le récitatif dont j'étais chargé se trouva d'une difficulté extrême, en ce qu'il fallait lier, souvent en peu de vers et par des modulations très rapides, des symphonies et des chœurs dans des tons fort éloignés. Car, pour que Rameau ne m'accusât pas d'avoir défiguré ses airs, je n'en voulus changer ni transposer aucun. Je réussis à ce récitatif. Il était bien accentué, plein d'énergie et surtout excellemment modulé. L'idée des 2 hommes supérieurs auxquels on daignait m'associer m'avait élevé le génie. Et je puis dire que, dans ce travail ingrat et sans gloire, dont le public ne pouvait pas même être informé, je me tins presque toujours à côté de mes modèles. La pièce, dans l'état où je l'avais mise, fut répétée au Grand Théâtre de l'Opéra. Des 3 auteurs, je m'y trouvais seul. Voltaire était absent, et Rameau n'y vint pas, ou se cacha. Les paroles du premier monologue étaient très lugubres. En voici le début. « Ô mort, viens terminer les malheurs de ma vie. » Il avait bien fallu faire une musique assortissante. Ce fut pourtant là-dessus que Madame de la Poplinière fonda sa censure en m'accusant, avec beaucoup d'aigreur, d'avoir fait une musique d'enterrement. Monsieur de Richelieu commença judicieusement par s'informer de qui étaient les vers de ce monologue. Je lui présentai le manuscrit qu'il m'avait envoyé et qui faisait foi qu'ils étaient de Voltaire. « En ce cas, dit-il, c'est Voltaire seul qui a tort. » Durant la répétition, tout ce qui était de moi fut successivement improuvé par Madame de la Poplinière et justifié par Monsieur de Richelieu. Mais enfin, j'avais affaire à trop forte partie, et il me fut signifié qu'il y avait à refaire à mon travail plusieurs choses sur lesquelles il fallait consulter Monsieur Rameau. Navré d'une conclusion pareille, au lieu des éloges que j'attendais, et qui certainement m'étaient dus, je rentrai chez moi à la mort dans le cœur. J'y tombai malade, épuisé de fatigue, dévoré de chagrin. Et de 6 semaines, je ne fus en état de sortir. Rameau, qui fut chargé des changements indiqués par Madame de la Poplinière, m'envoya demander l'ouverture de mon grand opéra pour la substituer à celle que je venais de faire. Heureusement, je sentis le croc en jambe et je la refusai. Comme il n'y avait plus que 5 ou 6 jours jusqu'à la représentation, il n'eut pas le temps d'en faire une, et il fallut laisser la mienne. Elle était à l'italienne et d'un style très nouveau pour lors en France. Cependant, elle fut goûtée, et j'appris par monsieur de Valmalette, maître d'hôtel du roi et gendre de monsieur Mussard, mon parent et mon ami, que les amateurs avaient été très contents de mon ouvrage et que le public ne l'avait pas distingué de celui de Rameau. Mais celui-ci, de concert avec Madame de la Poplinière, prit des mesures pour qu'on ne sût pas même que j'y avais travaillé. Sur les livres qu'on distribue aux spectateurs et où les auteurs sont toujours nommés, il n'y eut de nommé que Voltaire. Et Rameau aima mieux que son nom fût supprimé que d'y voir associé le mien. Sitôt que je fus en état de sortir, je voulus aller chez M. de Richelieu. Il n'était plus temps. Il venait de partir pour Dunkerque, où il devait commander le débarquement destiné pour l'Écosse. À son retour, je me dis, pour autoriser ma paresse, qu'il était trop tard. Ne l'ayant plus revu depuis lors, j'ai perdu l'honneur que méritait mon ouvrage, l'honoraire qu'il devait me produire, et mon temps, mon travail, mon chagrin, ma maladie et l'argent qu'elle me coûta. Tout cela fut à mes frais, sans me rendre un sou de bénéfice, ou plutôt de dédommagement. Il m'a cependant toujours paru que M. de Richelieu avait naturellement de l'inclination pour moi et pensait avantageusement de mes talents. Mais mon malheur et Madame de la Peauplinière empêchèrent tous les faits de sa bonne volonté. Je ne pouvais rien comprendre à l'aversion de cette femme, à qui je m'étais efforcé de plaire et à qui je faisais assez régulièrement ma cour. Gaufrecourt m'en expliqua les causes. « D'abord, me dit-il, son amitié pour Rameau, dont elle est la prôneuse en titre, et qui ne veut souffrir aucun concurrent. Et de plus, un péché originel qui vous damne auprès d'elle, et qu'elle ne vous pardonnera jamais, c'est d'être Genevois. » Là-dessus, il m'expliqua que l'abbé Hubert, qu'il était, et sincère ami de M. de la Peauplinière, avait fait ses efforts pour l'empêcher d'épouser cette femme, qu'il connaissait bien, et qu'après le mariage, elle lui avait voué une haine implacable, ainsi qu'à tous les Genevois. « Quoique la Peauplinière, ajoutait-il, ait de l'amitié pour vous, et que je le sache, ne comptez pas sur son appui. Il est amoureux de sa femme, elle vous hait, elle est méchante, elle est adroite, vous ne ferez jamais rien dans cette maison. » Je me le tins pour dit. Ce même Gaufrecourt me rendit à peu près dans le même temps un service dont j'avais grand besoin. Je venais de perdre mon vertueux père, âgé d'environ 60 ans. Je sentis moins cette perte que je n'aurais fait en d'autres temps, où les embarras de ma situation m'auraient moins occupé. Je n'avais point voulu réclamer de son vivant ce qui restait du bien de ma mère et dont il tirait le petit revenu. Je n'eus plus là-dessus de scrupules après sa mort. Mais le défaut de preuve juridique de la mort de mon frère faisait une difficulté que Gaufrecourt se chargea de lever, et qu'il leva en effet par les bons offices de l'avocat de Lorme. Comme j'avais le plus grand besoin de cette petite ressource, et que l'événement était douteux, j'en attendais la nouvelle définitive avec le plus vif empressement. Un soir, en rentrant chez moi, je trouvai la lettre qui devait contenir cette nouvelle, et je la pris pour l'ouvrir avec un tremblement d'impatience dont j'eus honte au-dedans de moi. « Et quoi ? » me dis-je avec dédain. « Jean-Jacques se laisserait-il subjuguer à ce point par l'intérêt et par la curiosité ?» Je remis sur le champ la lettre sur ma cheminée. Je me déshabillai, me couchai tranquillement, dormis mieux qu'à mon ordinaire, et me levai le lendemain assez tard, sans plus penser à ma lettre. En m'habillant, je l'aperçus. Je l'ouvris sans me presser. J'y trouvai une lettre de change. J'eus bien des plaisirs à la fois, mais je puis jurer que le plus vif fut celui d'avoir su me vaincre. J'aurais 20 traits pareils à citer en ma vie, mais je suis trop pressée pour pouvoir tout dire. J'envoyai une petite partie de cet argent à ma pauvre maman, regrettant avec larmes l'heureux temps où j'aurais mis le tout à ses pieds. Toutes ses lettres se sentaient de sa détresse. Elle m'envoyait un tas de recettes et de secrets dont elle prétendait que je fisse ma fortune et la sienne. Déjà le sentiment de sa misère lui resserrait le cœur et lui rétrécissait l'esprit. Le peu que je lui envoyais fut la proie des fripons qui l'obsédaient. Elle ne profita de rien. Cela me dégoûta de partager mon nécessaire avec ces misérables, surtout après l'inutile tentative que je fis pour la leur arracher, comme il sera d'ici après. Le temps s'écoulait, et l'argent avec lui. Nous étions deux, même quatre, ou pour mieux dire, nous étions sept ou huit. Car, quoique Thérèse fût d'un désintéressement qui a peu d'exemple, sa mère n'était pas comme elle. Sitôt qu'elle se vit un peu remontée par mes soins, elle fit venir toute sa famille pour en partager le fruit. Sœurs, fils, filles, petites-filles, tout vint, hors sa fille aînée, mariée au directeur des carrosses d'Angers. Tout ce que je faisais pour Thérèse était détourné par sa mère en faveur de ses affamés. Comme je n'avais pas affaire à une personne avide et que je n'étais pas subjuguée par une passion folle, je ne faisais pas des folies. Content de tenir Thérèse honnêtement, mais sans luxe, à l'abri des pressants besoins, je consentais que ce qu'elle gagnait par son travail fût tout entier au profit de sa mère, et je ne me bornais pas à cela. Mais par une fatalité qui me poursuivait, tandis que maman était en proie à ses croquants, Thérèse était en proie à sa famille, et je ne pouvais rien faire d'aucun côté qui profitât à celle pour qui je l'avais destinée. Il était singulier que la cadette des enfants de Madame Levasseur, la seule qui n'eût pas été dotée, était la seule qui nourrissait son père et sa mère, et qu'après avoir été longtemps battue par ses frères, par ses sœurs, même par ses nièces, cette pauvre fille en était maintenant pillée, sans qu'elle pût mieux se défendre de leur vol que de leur coup. Une seule de ses nièces, appelée Goton le Duc, était assez aimable et d'un caractère assez doux, quoique gâtée par l'exemple et les leçons des autres. Comme je les voyais souvent ensemble, je leur donnais les noms qu'elles s'entredonnaient. J'appelais la nièce ma nièce et la tante ma tante. Toutes deux m'appelaient leur oncle. De là, le nom de tante duquel j'ai continué d'appeler Thérèse et que mes amis répétaient quelquefois en plaisantant. On sent que dans une pareille situation, je n'avais pas un moment à perdre pour tâcher de m'en tirer. Jugeant que monsieur de Richelieu m'avait oublié et n'espérant plus rien du côté de la cour, je fis quelques tentatives pour faire passer à Paris mon opéra. Mais j'éprouvais des difficultés qui demandaient bien du temps pour les vaincre, et j'étais de jour en jour plus pressée. Je m'avisai de présenter ma petite comédie de Narcisse aux Italiens. Elle y fut reçue, et j'eus les entrées qui me firent grand plaisir. Mais ce fut tout. Je ne pus jamais parvenir à faire jouer ma pièce, et, ennuyée de faire ma cour à des comédiens, je les plantai là. Je revins enfin au dernier expédient qui me restait, et le seul que j'aurais dû prendre. En fréquentant la maison de M. de la Poplinière, je m'étais éloigné de celle de M. Dupin. Les deux dames, quoique parentes, étaient mal ensemble et ne se voyaient point. Il n'y avait aucune société entre les deux maisons, et Thierriot, seul, vivait dans l'une et dans l'autre. Il fut chargé de tâcher de me ramener chez M. Dupin. Monsieur de Franqueuil suivait alors l'histoire naturelle et la chimie et faisait un cabinet. Je crois qu'il aspirait à l'Académie des sciences. Il voulait pour cela faire un livre et il jugeait que je pouvais lui être utile dans ce travail. Madame Dupin, qui de son côté méditait un autre livre, avait sur moi des vues à peu près semblables. Ils auraient voulu m'avoir en commun pour une espèce de secrétaire. Et c'était là l'objet des semonces de Thierriot. J'exigeais préalablement que M. de Franqueuil emploierait son crédit avec celui de Joliotte pour faire répéter mon ouvrage à l'opéra. Il y consentit. Les muses galantes furent répétées d'abord plusieurs fois au magasin, puis au grand théâtre. Il y avait beaucoup de monde à la grande répétition, et plusieurs morceaux furent très applaudis. Cependant, je sentis moi-même durant l'exécution, fort mal conduite par Rebelle, que la pièce ne passerait pas, et même qu'elle n'était pas en état de paraître sans de grandes corrections. Ainsi, je la retirai sans maudire et sans m'exposer au refus. Mais je vis clairement, par plusieurs indices, que l'ouvrage, eût-il été parfait, n'aurait pas passé. Monsieur de Franqueuil m'avait bien promis de le faire répéter, mais non pas de le faire recevoir. Il me tint exactement parole. J'ai toujours cru voir, dans cette occasion et dans beaucoup d'autres, que ni lui ni Madame Dupin ne se souciaient de me laisser acquérir une certaine réputation dans le monde, de peur peut-être qu'on en supposât, en voyant leurs livres, qu'ils avaient greffé leur talent sur les miens. Cependant, comme Madame Dupin m'en a toujours supposé de très médiocre, et qu'elle ne m'a jamais employé qu'à écrire sous sa dictée ou à des recherches de pure érudition, ce reproche, surtout à son égard, eût été bien injuste. Ce dernier mauvais succès acheva de me décourager. J'abandonnais tout projet d'avancement et de gloire. Et sans plus songer à des talents vrais ou vains qui me prospéraient si peu, je consacrais mon temps et mes soins à me procurer ma subsistance et celle de ma Thérèse, comme il plairait à ceux qui se chargeraient d'y pourvoir. Je m'attachais donc tout à fait à Madame Dupin et à Monsieur de Franqueuil. Cela ne me jeta pas dans une grande opulence, car avec 800 à 900 francs par an que j'eus les deux premières années, à peine avais-je de quoi fournir à mes premiers besoins. Forcé de me loger à leur voisinage, en chambre garnie, dans un quartier assez cher, et payant un autre loyer à l'extrémité de Paris, tout en haut de la rue Saint-Jacques, où, quelque temps qu'il fît, j'allais souper presque tous les soirs. Je pris bientôt le train et même le goût de mes nouvelles occupations. Je m'attachai à la chimie, j'en fis plusieurs cours avec M. de Franqueuil chez M. Rouel, et nous nous mîmes à barbouiller du papier tant bien que mal sur cette science dont nous possédions à peine les éléments. En 1747, nous allâmes passer l'automne en Touraine, au château de Chenonceau, maison royale sur le Cher, bâtie par Henri II pour Diane de Poitiers, dont on y voit encore les chiffres, et maintenant possédée par M. Dupin, fermier général. On s'amusa beaucoup dans ce beau lieu. On y faisait très bonne chère, j'y devins gras comme un moine. On y fit beaucoup de musique. J'y composais plusieurs trios, à chanter plein d'une assez forte harmonie, et dont je reparlerai peut-être dans mon supplément, si jamais j'en fais un. On y joua la comédie, j'y en fis en 15 jours une en 3 actes, intitulée « L'engagement téméraire », qu'on trouvera parmi mes papiers, et qui n'a d'autre mérite que beaucoup de gaieté. J'y composais d'autres petits ouvrages, entre autres une pièce en vers intitulée « L'allée de Sylvie », nom d'une allée du parc qui bordait le Cher. Et tout cela se fit sans discontinuer mon travail sur la chimie et celui que je faisais auprès de Madame Dupin. Tandis que j'engraissais à Chenonceau, ma pauvre Thérèse engraissait à Paris d'une autre manière. Et quand j'y revins, je trouvai l'ouvrage que j'avais mis sur le métier plus avancé que je ne l'avais cru. Cela m'eût jeté, vu ma situation, dans un embarras extrême, si des camarades de table ne m'eussent fourni la seule ressource qui pouvait m'en tirer. C'est un de ces récits essentiels que je ne puis faire avec trop de simplicité, parce qu'il faudrait, en les commentant, m'excuser ou me charger, et que je ne dois faire ici ni l'un ni l'autre. Durant le séjour d'Altoona à Paris, au lieu d'aller manger chez un traiteur, nous mangions ordinairement, lui et moi, à notre voisinage, presque vis-à-vis le cul-de-sac de l'opéra, chez une Madame Lasselle, femme d'un tailleur, qui donnait assez mal à manger, mais dont la table ne laissait pas d'être recherchée à cause de la bonne et sûre compagnie qui s'y trouvait, car on n'y recevait aucun inconnu et il fallait être introduit par quelqu'un de ceux qui y mangeaient d'ordinaire. Le commandeur de Graville, vieux débauché, plein de politesse et d'esprit, mais ordurier, y logeait et y attirait une folle et brillante jeunesse en officier aux gardes et mousquetaires. Le commandeur de Nonan, chevalier de toutes les filles de l'opéra, y apportait journellement toutes les nouvelles de ce tripot. Messieurs Duplessis, lieutenant-colonel retiré, bon et sage vieillard, et Ancelet, officier des mousquetaires, y maintenait un certain ordre parmi ces jeunes gens. Il y venait aussi des commerçants, des financiers, des ouvriers, mais polis, honnêtes, et de ceux qu'on distinguait dans leur métier. Monsieur de Besse, monsieur de Forcade, et d'autres dont j'ai oublié les noms. Enfin, l'on y voyait des gens de mise de tous les états, excepté des abbés et des gens de robe que je n'y ai jamais vus. Et c'était une convention de n'y en point introduire. Cette table, assez nombreuse, était très gaie, sans être bruyante, et l'on y polissonnait beaucoup, sans grossièreté. Le vieux commandeur, avec tous ses comptes gras quant à la substance, ne perdait jamais sa politesse de la vieille cour, et jamais un mot de gueule ne sortait de sa bouche qui ne fût si plaisant que des femmes l'auraient pardonné. Son ton servait de règle à toute la table. Tous ces jeunes gens contaient leurs aventures galantes avec autant de licence que de grâce, et les contes de filles manquaient d'autant moins que le magasin était à la porte. Car l'allée, par où l'on allait chez Madame Lasselle, était la même où donnait la boutique de la Duchappe, célèbre marchande de mode qui avait alors de très jolies filles avec lesquelles nous messieurs allaient causer avant ou après dîner. Je m'y serais amusé comme les autres si j'eusse été plus hardi. Il ne fallait qu'entrer comme eux. Je n'osais jamais. Quant à Madame Lasselle, je continuais d'y aller manger assez souvent après le départ d'Altoona. J'y apprenais des foules d'anecdotes très amusantes, et j'y pris aussi peu à peu, non grâce au ciel, jamais les mœurs, mais les maximes que j'y vis établies. D'honnêtes personnes, mises à mal, des maris trompés, des femmes séduites, des accouchements clandestins, étaient là les textes les plus ordinaires. Et celui qui peuplait le mieux les enfants trouvés était toujours le plus applaudi. Cela me gagna. Je formais ma façon de penser sur celle que je voyais en règne chez des gens très aimables et dans le fond très honnêtes gens. Et je me dis, puisque c'est l'usage du pays, quand on y vit, on peut le suivre. Voilà l'expédient que je cherchais. Je m'y déterminai gaillardement, sans le moindre scrupule. Et le seul que j'eus à vaincre fut celui de Thérèse, à qui j'eus toutes les peines du monde de faire adopter cet unique moyen de sauver son honneur. Sa mère, qui de plus craignait un nouvel embarras de marmaille, étant venue à mon secours, elle se laissa vaincre. On choisit une sage-femme, prudente et sûre, appelée Mademoiselle Gouin, qui demeurait à la porte Saint-Eustache, pour lui confier ce dépôt. Et quand le temps fut venu, Thérèse fut menée par sa mère chez la Gouin pour y faire ses couches. J'allais l'y voir plusieurs fois, et je lui portai un chiffre que j'avais fait à double sur deux cartes, dont une fut mise dans les langes de l'enfant, et il fut déposé par la sage-femme au bureau des enfants trouvés, dans la forme ordinaire. L'année suivante, même inconvénient et même expédient, au chiffre près, qui fut négligé. Pas plus de réflexion de ma part, pas plus d'approbation de celle de la mère. Elle obéit en gémissant. On verra successivement toutes les vicissitudes que cette fatale conduite a produites dans ma façon de penser, ainsi que dans ma destinée. Quant à présent, tenons-nous à cette première époque. Ses suites, aussi cruelles qu'imprévues, ne me forceront que trop d'y revenir. Je marque ici celle de ma première connaissance avec Madame d'Épinay, dont le nom reviendra souvent dans ses mémoires. Elle s'appelait Mademoiselle d'Esclavel et venait d'épouser Monsieur d'Épinay, fils de Monsieur Lalive de Bellegarde, fermier général. Son mari était musicien, ainsi que Monsieur de Franqueuil. Elle était musicienne aussi, et la passion de cet art mit entre ces trois personnes une grande intimité. Monsieur de Franqueuil m'introduisit chez Madame d'Épinay. J'y soupais quelquefois avec lui. Elle était aimable, avait de l'esprit, des talents. C'était assurément une bonne connaissance à faire. Mais elle avait une amie, appelée Mademoiselle Dette, qui passait pour méchante et qui vivait avec le chevalier de Valorie, qui ne passait pas pour bon. Je crois que le commerce de ces deux personnes fit tort à Madame d'Épinay, à qui la nature avait donné, avec un tempérament très exigeant, des qualités excellentes pour en régler ou racheter les écarts. Monsieur de Franqueuil lui communiqua une partie de l'amitié qu'il avait pour moi et m'avoua ses liaisons avec elle, dont, par cette raison, je ne parlerai pas ici si elles ne fussent devenues publiques au point de n'être pas même cachées à monsieur d'Épinay. Monsieur de Franqueuil me fit même sur cette dame des confidences bien singulières qu'elle ne m'a jamais faites à moi-même et dont elle ne m'a jamais cru instruit. Car je n'en ouvris ni n'en ouvrirai de ma vie la bouche, ni à elle, ni à qui que ce soit. Toute ma confiance de part et d'autre rendait ma situation très embarrassante, surtout avec Madame de Franqueuil, qui me connaissait assez pour ne pas se défier de moi, quoique en liaison avec sa rivale. Je consolais de mon mieux cette pauvre femme, à qui son mari me rendait assurément pas l'amour qu'elle avait pour lui. J'écoutais séparément ces trois personnes, je gardais leurs secrets avec la plus grande fidélité, sans qu'aucune des trois m'en arrachât jamais aucun de ceux des deux autres, et sans dissimuler à chacune des deux femmes mon attachement pour sa rivale. Madame de Franqueuil, qui voulait se servir de moi pour bien des choses, essuya des refus formels. Et Madame d'Épinay, m'ayant voulu charger une fois d'une lettre pour Franqueuil, non seulement en reçut un pareil, mais encore une déclaration très nette que si elle voulait me chasser pour jamais de chez elle, elle n'avait qu'à me faire une seconde fois pareille proposition. Il faut rendre justice à Madame d'Épinay. Loin que ce procédé parût lui déplaire, elle en parla à Franqueuil avec éloge et ne m'en reçut pas moins bien. C'est ainsi que dans des relations orageuses entre trois personnes que j'avais aménagées, dont je dépendais en quelque sorte, et pour qui j'avais de l'attachement, je conservais jusqu'à la fin leur amitié, leur estime, leur confiance, en me conduisant avec douceur et complaisance, mais toujours avec droiture et fermeté. Malgré ma bêtise et ma gaucherie, Madame d'Épinay voulut me mettre des amusements de la chevrette, château près de Saint-Denis, appartenant à monsieur de Bellegarde. Il y avait un théâtre où l'on jouait souvent des pièces. On me chargea d'un rôle que j'étudiais 6 mois sans relâche et qu'il fallut me souffler d'un bout à l'autre à la représentation. Après cette épreuve, on ne me proposa plus de rôle. En faisant la connaissance de Madame d'Épinay, je fis aussi celle de sa belle-sœur, Mademoiselle de Bellegarde, qui devint bientôt comtesse de Houdetot. La première fois que je la vis, elle était à la veille de son mariage. Elle me causa longtemps avec cette familiarité charmante qui lui est naturelle. Je la trouvais très aimable, mais j'étais bien éloignée de prévoir que cette jeune personne ferait un jour le destin de ma vie et m'entraînerait, quoique bien innocemment, dans l'abîme où je suis aujourd'hui. Quoique je n'ai pas parlé de Diderot depuis mon retour de Venise, non plus que de mon ami M. Roguin, je n'avais pourtant négligé ni l'un ni l'autre, et je m'étais surtout lié de jour en jour plus intimement avec le premier. Il avait une Nanette, ainsi que j'avais une Thérèse. C'était entre nous une conformité de plus. Mais la différence était que ma Thérèse, aussi bien de figure que sa Nanette, avait une humeur douce et un caractère aimable, fait pour attacher un honnête homme, au lieu que la sienne, pigriée chez Arangère, ne montrait rien aux yeux des autres qui purent racheter la mauvaise éducation. Il l'épousa toutefois. Ce fut fort bien fait s'il l'avait promis. Pour moi, qui n'avais rien promis de semblable, je ne me pressais pas de l'imiter. Je m'étais aussi lié avec l'abbé de Condillac, qui n'était rien, non plus que moi, dans la littérature, mais qui était fait pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. je suis le premier peut-être qui ait vu sa portée et qu'il ait estimé ce qu'il valait. Il paraissait aussi se plaire avec moi, et tandis qu'enfermé dans ma chambre, rue Saint-Jean-Denis, près l'opéra, je faisais mon acte d'Hésiode, il venait quelquefois dîner avec moi tête à tête, en pique-nique. Il travaillait alors à l'essai sur l'origine des connaissances humaines, qui est son premier ouvrage. Quand il fut achevé, l'embarras fut de trouver un libraire qui voulut s'en charger. Les libraires de Paris sont arrogants et durs pour tout homme qui commence. Et la métaphysique, alors très peu à la mode, n'offrait pas un sujet bien attrayant. Je parlais à Diderot de Condillac et de son ouvrage. Je leur fis faire connaissance. Ils étaient faits pour se convenir. Ils se convinrent. Diderot engagea le libraire Durand à prendre le manuscrit de l'abbé. Et ce grand métaphysicien eut, de son premier livre et presque par grâce, 100 écus qu'il n'aurait peut-être pas trouvé sans moi. Comme nous demeurions dans des quartiers fort éloignés les uns des autres, nous nous rassemblions tous trois une fois la semaine au Palais Royal et nous allions dîner ensemble à l'hôtel du Panier Fleuri. Il fallait que ces petits dîners hebdomadaires plussent extrêmement à Diderot, car lui, qui manquait presque à tous ses rendez-vous, ne manqua jamais à aucun de ceux-là. Je formai là le projet d'une feuille périodique intitulée « Le Persifleur » que nous devions faire alternativement, Diderot et moi. J'en esquissai la première feuille, et cela me fit faire connaissance avec D'Alembert, à qui Diderot en avait parlé. Des événements imprévus nous barrèrent, et ce projet en demeura là. Ces deux auteurs venaient d'entreprendre le dictionnaire encyclopédique, qui ne devait d'abord être qu'une espèce de traduction de Chambert, semblable à peu près à celle du dictionnaire de médecine de James, que Diderot venait d'achever. Celui-ci voulut me faire entrer pour quelque chose dans cette seconde entreprise et me proposa la partie de la musique, que j'acceptais et que j'exécutais très à la hâte et très mal dans les 3 mois qu'il m'avait donnés, comme à tous les auteurs qui devaient concourir à cette entreprise. Mais je fus le seul qui fut prêt au terme prescrit. Je lui remis mon manuscrit, que j'avais fait mettre au net par un laquais de M. de Franqueuil, appelé Dupont, qui écrivait très bien et à qui je payais 10 écus tirés de ma poche, qui ne m'ont jamais été remboursés. Diderot m'avait promis, de la part des libraires, une rétribution dont il ne m'a jamais reparlé, ni moi à lui. Cette entreprise de l'encyclopédie fut interrompue par sa détention. Les pensées philosophiques lui avaient attiré quelques chagrins qui n'eurent point de suite. Il n'en fut pas de même de la lettre sur les aveugles, qui n'avait rien de répréhensible que quelques traits personnels, dont Madame Dupré de Saint-Maur et Monsieur de Réaumur furent choqués, et pour lesquels il fut mis au donjon de Vincennes. Rien ne peindra jamais les angoisses que me fit sentir le malheur de mon ami. Ma funeste imagination, qui porte toujours le mal au pis, s'effaroucha. Je le crus là pour le reste de sa vie. La tête faillit m'en tourner. J'écrivis à Madame de Pompadour pour la conjurer de le faire relâcher ou d'obtenir qu'on m'enfermât avec lui. Je n'eus aucune réponse à ma lettre. Elle était trop peu raisonnable pour être efficace. Et je ne me flatte pas qu'elle ait contribué aux adoucissements qu'on mit quelque temps après à la captivité du pauvre Diderot. Mais si elle eût duré quelque temps encore avec la même rigueur, je crois que je serais mort de désespoir au pied de ce malheureux donjon. Au reste, si ma lettre a produit peu d'effet, je ne m'en suis pas non plus beaucoup fait valoir, car je n'en parlais qu'à très peu de gens, et jamais à Diderot lui-même.